C'est le temps du bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Avec grand plaisir, j'ai de l'excellente musique à vous proposer cette semaine, comme à l'habitude, bien sûr. Il y a premièrement, je veux dire que Clopelgag, que j'adore, va se retrouver du côté de l'Ouest canadien au mois de novembre. Le 6 novembre, elle sera du côté de Vancouver. Le 3 novembre, du côté de Vancouver. Le 6, du côté de Whitehorse ou Yukon. Et elle a choisi deux artistes comme ça pour l'accompagner, deux artistes de l'Ouest canadien. Donc, pour ce qui est de la portion de Vancouver, le spectacle à Vancouver le 3 novembre, eh bien, c'est l'artiste, auteur-compositrice-interprète Véro qui est de la Saskatchewan, qui va l'accompagner à Vancouver. Et on a reçu son album tout récemment, son mini-album. Et je vais vous faire entendre une excellente chanson. J'ai vu, j'adore ça, c'est vraiment bien fait. Un peu planant, mais quand même très, très beau texte, très belle musique. Vous allez voir. Donc, elle est de la Saskatchewan, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle est de Saskatoon également. Donc, le 6 novembre, du côté de Whitehorse, c'est tout simplement Sophie Villeneuve qui va l'accompagner. Elle qui nous a envoyé le chant du loup. Au printemps, eh bien, on va entendre la pièce Le Pantin, qui est ma favorite de l'album. Très énergique comme pièce, assez intéressant, merci. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Clopelgag, qui connaît qui a une réputation assez intéressante côté musical, côté spectacle. Donc, je pense que ça va être de belles vitrines pour Sophie Villeneuve et Véro également. Parlant de Véro, on l'écoute à l'instant même. Voici la pièce « J'ai vu » à Canrock. Thank you. toujours à faire semblant d'être en amour. Mais j'en ai plus rien à cirer de toi. Je prends même plus le temps de texter, puis encore moins t'appeler. Choisis donc pour moi, libère-moi donc pour moi. C'est pas de ma faute, je suis un pas de colonne. J'ai jamais laissé personne. C'est mieux comme ça, c'est pas moi le méchant. J'aime mieux le rôle du perdant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais fermer la porte, y'aura pas de vent. C'est pas de ma faute, j'suis un pas de colonne. J'ai jamais laissé personne. C'est mieux comme ça, c'est pas moi le méchant. J'espère un jour être en mesure de la rencontrer, cette Sophie Villeneuve. J'adore son univers, son énergie, son mood. C'est vraiment une artiste que j'ai découvert et que j'aime énormément. Donc, est-ce qu'elle sera dans l'Est ou en Ontario à un moment donné? On l'espère parce que vraiment, je trouve ça vraiment génial et très intéressant ce qu'elle fait. Donc, Sophie Villeneuve, qu'on vient d'entendre avec Le Pantin. On parlait de vidéoclip tantôt, nouveau vidéoclip pour Mélissa Ouimet de l'Ontario. Eh bien, on a reposté sur Facebook un clip de quelques années quand même, sur une chanson que j'adorais énormément du chanteur hip-hop Sean Jobin. Un texte qui, ces temps-ci, dû aux commentaires de Mme Bombardier, ces temps-ci, ben, c'est un texte qui est très d'actualité. C'est la chanson « Au nom d'une nation, tu m'auras pas ». Sean Jobin, ça s'en vient, bien sûr, dans quelques instants. Allez voir ce clip-là sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK. Vraiment très beau clip également. Donc, ça vaut la peine de regarder. Il y a un petit clip aussi que j'ai laissé sur ma page Facebook. C'est un petit post comme ça de Annick Granger qui nous dit qu'elle s'en va en studio et qu'elle prépare quelque chose qui est un peu plus compliqué, un petit peu plus long qu'elle pensait, mais elle travaille sur sûrement un nouvel album. Je n'ai pas plus de détails. Sûrement que j'aurai des détails. Je vais vous les partager, bien entendu. On va écouter un beau souvenir, là également, de l'album Pépin, le ruban de la cassette. C'est tout un titre et toute une belle chanson. Et on va terminer ça avec Joël Lavoie de l'Alberta et Un nouveau jour. Très, très, très bonne chanson. pense. J'suis seulement le fleur de lys qui pousse au pied de l'érable, mais on couche dans le même lit. Même si on pointe l'arabe, lorsqu'un lit sur l'autre, on lui serre la main en disant c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute. C'est vouloir le contrôle sur la langue du futur. Bref, l'anglais, le français reste bien dans l'angle mort du rétroviseur de l'assimilation. Parmi la nation du peuple francophone, quand on se parle, c'est une culture qui résonne dans les couloirs des châteaux de l'Angleterre. J'veux un Billy, prénom un presbytère. J'veux pas qu'on se sépare, j'veux juste parler français dans tout le Canada, bref, dans mon pays, c'est le tien aussi. Donc enlève ton étiquette de minorité, ispi, nous l'avons bâti aussi. Avec la télé, non, tu m'auras pas. Avec la radio, non, tu m'auras pas. Avec les médias, non, tu m'auras pas. Au nom de nation, plus d'assimilation. Avec la télé, non, tu m'auras pas. Avec la radio, non, tu m'auras pas. Avec les médias, non, tu m'auras pas. Au nom de nation, plus d'assimilation. J'ai mal au cœur lorsque je vois l'ignorance. Les anglophones qui rêvent de notre tour en France. Les maritimes jusqu'en Colombie-Britannique, y compris des territoires. On serre les coudes lorsqu'il fait noir. Les Français squat, les franco-manitobains. Louis Riel, Gabriel Dumont se sont battus pour le bien, pour une cause, pour que les gens comprennent que la fleur de lys peut aussi pousser sur les plaines. Pas les plaines d'Abraham, les plaines remplies d'avoine. La vraie tire, elle pousse partout, jusque dans les montagnes. Mon calme a perdu du sang au grand méchant lourd. Donc la culture laisse tomber une larme sur sa joue. Mais si tu comprends mes mots dans cette chanson, tu fais partie des remparts qui protègent la nation. Tu tiens dans tes mains le pouvoir de semer des graines de lys pour l'amour de la francophonie. Avec la télé, non, tu m'auras pas. Avec la radio, non, tu m'auras pas. Avec les médias, non, tu m'auras pas. Au nom de nation, plus d'assimilation. Avec la télé, non, tu m'auras pas. Avec la radio, non, tu m'auras pas. Avec les médias, non, tu m'auras pas. Au nom de nation, plus d'assimilation. Avec la télé, non, tu m'auras pas. Avec la radio, non, tu m'auras pas. Avec les médias, non, tu m'auras pas. Au nom de nation, plus d'assimilation. Avec la télé, non, tu m'auras pas. Avec la radio, non, tu m'auras pas. Avec les médias, non, tu m'auras pas. Au nom de nation, plus d'assimilation. Nous rejette, qu'on interpelle la gravelle. Quand le béton nous tire non, on roule et les rangs durent des kilomètres. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Il faut dérouler la fenêtre, on pourra craquer la chaufferette. Quand la buée va disparaître, avec elle les empreintes que j'y ai faites. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Et on racontera des histoires, celles qui ne sortent que dans le noir, avec sans raison de plus ce soir qu'un tas de ferraille et un plein réservoir. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Que nos contes s'entremêlent et fassent après une épopée. Un toit toujours sur la tête et des oreilles pour s'écouter. Que le soleil encore se lève, qu'on ne prenne pour acquis cette fête et qu'encore on s'entête à s'aimer jusqu'à casser le ruban de la cassette. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Si l'asphalte nous rejette, qu'on interpelle la gravelle, en le béton nous dira non. On roule et les rendus des kilomètres. Thank you.